La route est encore longue, est-ce que j'ai pris de l'avance? Encore combien de kilomètres pour partir en vacances? Sans voyage et voir large, ouvrir grand les yeux ou en marge. Attends de mourir haineux et eux. Les regards qui cherchent dans la foule, dans la houle, le beau temps pour prendre le large. Les phrases m'envahissent comme les courbes insolentes des filles passant. Sous les yeux des cœurs vacants, les éclaircies frôlent les visages fatigués, divagants comme des bateaux face à mille vagues tout en chavirant. Attends les chaloupes de sauvetage, sachant pertinemment qu'elles ne viendront jamais, jamais, jamais. Mais le naufrage est loin, comme le rivage. La pluie a coulé sous le soleil jaune de mon cirage. L'espoir de retrouver un jour son image sur une route désertique où le mirage s'incruste dans les rétines. Autostoppeur perdu parmi les cactus, saurait-il la voie à m'indiquer? Car le trajet se perd sans cesse dans ces montagnes où la chaleur étouffe ma sieste, sieste. Dans le vent glacial de la toundra, un instant et l'ultime passager descendra. Le train repart presque vidé, comme mes yeux scrutant le soleil fuyant, laissant un ciel mielleux. Je rentre seul, les pas lourds sur le sol sec. Cette semaine sera celle de l'insuccès. J'ai attendu sa venue sur le quai de la gare si tard que j'ai dû vider deux paquets de cigares. Brune et lancée, pour elle je me serais tant dépensé. Allez, venu à force le train, mes idées à nuancer. Ai-je raison d'attendre ou l'ai-je rencontré? Existe-t-elle vraiment? Est-ce mon esprit qui l'a raconté? J'ai du mal à suivre ma propre odyssée, du mal à cerner où en est la réalité. Les rêves s'effacent avec le temps, éphémères puis invisibles, comme des larmes dans l'océan du réveil. Du réveil. Encore une fois parti à l'aventure dans un village où sont fermées les ventures. Ici la brume, seul paysage. La vie semble être arrêtée depuis si longtemps. Les murs ont des yeux et ils n'ont rien vu depuis 20 ans. Je me balade aujourd'hui dans ce vieux parc pour enfants où les jeux en métal ont perdu leur lustre d'antan. Les usines ont rouillé, les hommes sont partis loin d'ici, loin des tôles mouillées où ils ont grandi. Où ils ont grandi. Où ils ont grandi. Où ils ont grandi.